à toutes et à tous, nous sommes une heure sur Radio Gémozo pour l'émission La Parole est à vous, avec un magazine santé mensuel maintenant, avec le docteur Jean Tisserand, donc, qui est notre partenaire de ce soir, et puis le mois prochain encore. Toujours. Oui, pas de problème. Bonsoir, merci, bonsoir Jean. À tous nos auditeurs. Voilà, alors on va parler quand même d'un sujet d'actualité particulièrement brûlant, hein, au point de vue santé, puisqu'il va encore s'agir des hôpitaux en général, mais surtout de l'hôpital de Remiremont, puisque il y a des nouvelles fraîches par rapport au démantèlement, on va l'appeler comme ça, enfin tentative de démantèlement de l'hôpital de Remiremont. Alors, tout de suite, quand même, parler de ce plan de santé 2022. Alors, les dernières nouvelles qu'on a pu avoir, c'est que donc le gouvernement, enfin, sous l'impulsion du gouvernement, les députés ont voté ce plan. Oui, c'est la loi Ma Santé 2022. Tout à fait. La loi Santé 2022. C'est une loi. Oui. En laissant une libre, parce que comme la santé 2022, c'est quelque chose d'assez fumeux par certaines dispositions, les députés ont aussi laissé au gouvernement le soin de délibérer par ordonnance. Délibérer par ordonnance. Pour donc étoffer ce plan 2022. Tu pourrais nous donner un petit peu quelques éléments par ce plan de santé 2022, qu'est-ce qui nous attend? Cette loi est basée sur le fait qu'il y a quand même une carence de la couverture médicale au niveau des populations, qu'on manque de médecins, mais ça c'est de la faute du numerus clausus, et c'est une tentative de réorganisation de la prise en charge de la santé au niveau des territoires, mais ça ne crée pas plus de médecins. Donc l'organisation ne fera pas tout. Il faudra attendre d'assez longues années pour que le numerus clausus cesse de faire son effet et qu'on ait de nouveau assez de médecins. Alors cette loi, c'est un plan aussi pour économiser. C'est un plan en restreignant l'accès aux soins finalement. Bien sûr. Il y a un versant correspondant à la prise en charge de la médecine générale de ville. C'est la création de communautés pluriprofessionnelles territoriale de santé. C'est des regroupements de cabinets, de groupes, de généralistes sur un territoire entre 10 000 et 100 000 habitants. Les fameux CTPS. CPTS, voilà. Et qui auront, la responsabilité de la charge de santé de ce territoire. Bon, ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et puis, il y a une réforme surtout hospitalière qui va créer ce qu'on appelle des hôpitaux de proximité. Contrairement au terme flatteur, l'hôpital de proximité est un hôpital qui ne comprend plus qu'un EHPAD, que des soins de suite, que de la médecine gériatrique, et où disparaît toute chirurgie, toute maternité. Il n'y aurait plus de chirurgie, même pas ambulatoire. Ce sera anecdotique. Normalement, non. Il y aurait plus de blocs, il y aurait plus d'urgence. Et par dérogation, il pourrait rester un petit peu de laboratoire et un petit peu de radiologie. Voilà, par dérogation. Mais c'est en gros des coquilles vides. Et il a été annoncé, je crois, le 13 ou le 15 février, qu'il y aurait à peu près 400 à 600 hôpitaux en France qui toucheraient le label hôpital de proximité. C'est-à-dire que c'est un déclassement de fait, parce que ce sont des hôpitaux qui avaient une activité MCO, médecine, chirurgie, obstétrique, et qui ne l'auront plus. Les fameux CHG. Oui, centres hospitaliers généraux, ou médecine, chirurgie, obstétrique, comme celui d'Remiremont. Un hôpital complet où on faisait tout, sans faire des soins ultra spécialisés qui étaient réservés au CHU, mais pouvoir opérer une appendicite, des amygdales, une hernie, des varices, faire un accouchement, faire une fracture de jambe, faire une prothèse de hanche, des choses simples, pas de greffe, pas de choses très compliquées, quoi. C'est pas un CHU, mais pouvoir assurer la responsabilité de la prise en charge de ces pathologies simples sur le secteur, quoi. Et cette loi tend vers le fait qu'il faudrait qu'il y ait quasiment plus qu'un seul hôpital par département, un hôpital dit de référence dans le chef-lieu de département. Voilà. Donc l'hôpital de Neuchâtel, Vital Neuchâtel est menacé. Je pense que celui de Saint-Dié ne vaut guère mieux. Bien sûr, Remiremont. Voilà, et Remiremont, bien entendu. Et je crois qu'on détruit ces hôpitaux pour avoir les moyens financiers de reconstruire un nouvel hôpital à Épinal. C'est, en plus, le problème est plus aigu dans les Vosges. Hein, c'est vraiment une des caractéristiques. D'où un plan de performance, et là je quitte la loi 2022, un plan de performance qui est, ou contrat dit de performance, que l'ARS tente d'imposer aux hôpitaux vosgiens. L'Agence régionale de santé. Voilà, l'Agence régionale de santé, pour faire des économies, pour construire cet hôpital d'Épinal, quoi. En déshabillant les autres hôpitaux locaux. Locaux, régionaux, enfin, tels que Remiremont, Saint-Dié, quoi. Et c'est extrêmement préjudiciable à la population périphérique de ce département, voilà. Hein, population de la montagne vosgienne, du nord de la Haute-Saône. S'il faut aller à Épinal pour se faire opérer d'une simple appendicite, c'est pas bien, quoi. Ça suppose. Et puis bon, on insiste. C'est le risque de saturation. Oui. Alors surtout qu'à Épinal est prévu seulement 18 lits de chirurgie. C'est vraiment. Alors, il serait peut-être question de laisser simplement la chirurgie orthopédique et traumatologique à Remiremont, peut-être, mais de supprimer la chirurgie dite viscérale, c'est-à-dire tout, et l'envoyer à Épinal. C'est la chirurgie digestive, les appendicites, les occlusions, toutes ces pathologies-là, mais aussi la chirurgie urologique. Je rappelle qu'il n'y a pas de service urologique dans le service public d'Épinal, quoi. Il est à Remiremont, donc ce serait le transférer de toute pièce à Remiremont. Et la chirurgie gynécologique, dont la chirurgie du cancer du sein. Et je rappelle aussi que il n'y a pas de médecin à Épinal qui ait la qualification chirurgicale en gynéco et agréé pour le cancer du sein. C'est-à-dire qu'on inviterait des praticiens. Oui. L'hospitalier de Remiremont a déménagé. A déménagé là-bas. Oui. C'est vraiment déshabiller Pierre pour habiller Paul. Hein, c'est... Et puis bien sûr des soignants qui suivraient ou qui suivraient pas. Oui. Alors c'est. Et puis c'est obliger aussi la population à faire 30 km de plus aller, 30 km de plus retour pour aller en consultation, pour voir l'anesthésiste, pour se faire hospitaliser, pour aller voir en visite sa famille malade et hospitalisée. On met tout le monde sur la route. C'est quand même extrêmement préjudiciable à tout le monde. Faudra prendre des jours de congé, faudra faire garder les enfants, faudra prendre des RTT, faudra. Enfin, On nous a par exemple menti sur la cardiologie. La cardiologie a été fermée à Remiremont, purement et simplement. Et on nous sans a concertation. Sans aucune concertation. Le 1er juin 2018. Et on nous a promis qu'il y aurait un cardiologue qui viendrait 2 jours par semaine, qu'il y aurait des consultations organisées sur Remiremont par ce cardiologue. Et rien n'a eu lieu. On nous a menti. On a envoyé au contraire, la direction a envoyé des lettres aux patients qui avaient des rendez-vous à Remiremont pour leur dire que c'était plus à Remiremont, mais qu'il fallait qu'ils aillent à Épinal. Donc ça nous a été rapporté. Hein, oui, on a des lettres, on a des lettres de patients qui s'en sont plaints, qui n'ont pas compris pourquoi, hein, alors que ça avait été promis. Et je pense que les promesses, ce type de promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Hein, je crois que c'est... C'est triste. On met tout le monde sur la route. Et là, j'ai aussi une réflexion, c'est que... Puis c'est pas très accessible, hein. Non. D'être coincé dans la calotine. Sur la ZUP, hein, sur la zone de la ZUP. Déjà dans la calotine, on a connu des camions en portefeuille qui bloquaient complètement la circulation. Et puis, il y a certains horaires où rejoindre l'hôpital de la ZUP à partir de la 4 voies, de la nationale, c'est extrêmement compliqué. Il y a des bouchons pas possibles. Les pompiers s'en plaignent, l'accès est désastreux. Ça, c'est une affaire acquise. Cet hôpital, il aurait fallu le faire à mi-chemin entre Épinal et Remiremont. Tout le monde le dit, mais pour des raisons politiques, ça ne s'est pas fait. Mais il est très mal placé, avec toutes les difficultés techniques de construction, parce qu'il est un petit peu en équilibre sur un rocher au-dessus de la ville. Il y a même eu, paraît-il, des oppositions d'une association écologique parce qu'il y avait des problèmes d'infiltration d'eau. Oui, c'est possible. D'ailleurs, ça avait été le cas à un moment donné pour le centre tri de la Poste qui est défunt aujourd'hui, puisque de toute façon, on centralise, hein, partout, on centralise l'excès à l'excès les structures publiques, on va dire. Donc il y a ce fameux contrat de performance édicté par l'ARS et que l'ARS voudrait bien appliquer, qui supprime déjà pas mal d'activités sur Remiremont et un petit peu à Épinal, mais on en est à la quatrième version de ce plan de performance. Et au fur et à mesure, on voit que les mesures sont plus sévères pour Remiremont et que les mesures d'économie sur Épinal sont en train progressivement de disparaître. Donc c'est pas très acceptable. Et ce contrat ou ce plan prévoit deux parties. Donc une première partie où on ampute déjà un certain nombre de services et d'activités, surtout sur Remiremont. Et puis ensuite, un projet médical où les médecins devront, pour 18 millions d'euros, supprimer encore d'autres lits, d'autres activités sur les hôpitaux vosgiens. Surtout Remiremont, quoi. Donc, c'est un plan. Non, vise aussi. Et Vittel. C'est un plan purement financier. Vittel, je crois, est fortement menacé, oui. Parce qu'aujourd'hui, Vittel, t'es pas spécialisé dans la chirurgie du rein, Oui, peut-être pas la chirurgie, mais au moins, je crois, la prise en charge des insuffisances rénales. Oui. Bon, Vittel, Neuchâtel sont pas loin de Nancy. Il est fort à parier qu'ils vont se faire absorber par le CHU. C'est pareil. On a l'impression quand même d'une cette recentralisation des services publics hospitaliers. Oui. Ça fait peur, quoi, parce que moi-même, je suis allé en ophtalmo à Nancy, on est bien traité, mais on a le coup de barre, on a l'impression d'être un numéro, il y a des files d'attente extraordinaires. Oui, on se dit, mais si c'est ça demain, l'accès aux soins, ça fait peur. Hein. Oui, l'accès aux soins va être surtout difficile. Surtout pour des personnes du troisième âge. Et surtout pour les soins hospitaliers. Surtout pour les soins hospitaliers. Je pense que quand on devra se faire opérer de quelque chose, je pense que ça va être compliqué. Je dis, il est prévu dans l'hôpital d'Épinal 18 lits de chirurgie en tout. Et si on supprime toute la chirurgie viscérale à Remiremont, il y a plus de lits déjà à Remiremont que ça concernant cette chirurgie. Donc, tu as déjà abordé la chirurgie ambulatoire, tu pourrais un peu préciser ce qu'est la chirurgie ambulatoire et les objectifs, les objectifs de l'ARS et du gouvernement. La chirurgie ambulatoire est une chirurgie de jour où on rentre le matin et on sort le soir ou l'après-midi. On reste hospitalisé moins d'une journée. Le service ferme la nuit. Il n'y a pas de lit de nuit. Il y a des lits de repos et puis on s'en va. Voilà. Et ces lits peuvent être occupés même deux fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi. C'est un petit peu le travail à la chaîne. Alors, ça peut se justifier pour des interventions relativement modestes, légères, pas graves, qui ne nécessitent pas une surveillance très importante dans les suites, sous réserve qu'il y ait quand même une surveillance à domicile. Ce qui actuellement n'est pas vraiment le cas. Je pense que les généralistes. C'est des soins infirmiers. Oui, des soins de généralistes aussi. Je pense qu'il faut quand même suivre avec les anticoagulants, éventuellement des antibiotiques, regarder le site opératoire. Je pense qu'il y a quand même. C'est pas uniquement infirmier. Je pense que c'est médical également. Je pense que les généralistes sont déjà en nombre insuffisant, ils n'arrivent pas à suivre déjà, et on va leur filer le bébé, si vous me passez l'expression, c'est un petit peu. Puis c'est pas leur travail, c'est pas leur travail habituel, c'est un métier, les suites opératoires, les suites chirurgicales, c'est un métier, c'est quelque chose d'hospitalier. Alors, c'est justifié pour des interventions bénies, le malade peut être surveillé après, et où il va être surveillé par sa famille. C'est hors de question de faire accéder à la chirurgie ambulatoire des personnes qui seraient seules la nuit suivante, par exemple. Parce qu'il y a quand même une anesthésie générale, le plus souvent. Gens sont endormis. Et la nuit après une anesthésie générale, on peut faire des malaises, on peut faire des syncopes, on peut avoir des soucis, et ce serait bien qu'il y ait une surveillance. Alors on confie cette surveillance à la famille. C'est à la famille de s'occuper un petit peu, de ne pas laisser seule la personne qui a été opérée. Et puis, ça suppose aussi que cette patiente ou ce patient n'habite pas au quatrième étage sans ascenseur. Il faut tenir compte de l'environnement de vie. Un petit peu Qui prend en compte cette situation? Normalement, c'est le chirurgien qui opère et l'anesthésiste qui endorme. qui disent, bah, écoutez, oui, vous avez toutes les conditions. Et après, c'est administratif. Oui, toutes les conditions sont requises pour qu'on puisse vous prendre en chirurgie ambulatoire. Ou bien, non, je suis désolé, la sécurité n'est pas respectée, on ne peut pas. Mais sous la pression, j'ai plutôt l'impression que ces indications vont s'élargir à toute la population et à chacun de se débrouiller, je crois. C'est un petit peu l'objectif. Et c'est un objectif clairement d'économie. Hein, d'économie, parce que... Mais l'économie... Ça coûte combien une journée d'hospitalisation en moyenne? Tu as des... Non, tu as des notions? J'ai pas tellement de notions. Je sais plus s'il y a un prix de journée vraiment actuellement par journée d'hospitalisation. Il y a certainement un prix de revient. Et de revient. D'une journée. Mais l'hôpital est rémunéré en fonction de l'acte chirurgical qui a été effectué. Une appendicite. Et non pas par rapport aux soins de suite. Oui, non. Une appendicite rapporte telle somme, par exemple, à l'hôpital, que le patient reste une demi-journée ou qu'il reste 8 jours. D'accord. Hein, voilà. Donc on comprend bien cet intérêt. Alors après, pour cette même somme, l'hôpital, l'administration hospitalière a intérêt de garder le malade que le moins longtemps possible. D'où la chirurgie ambulatoire. Mais tout n'est pas négatif dans la chirurgie ambulatoire, mais je pense qu'on va la pousser un petit peu à l'extrême. Et déjà actuellement, on fait des interventions très lourdes en chirurgie ambulatoire. Des prothèses de hanche, des hystérectomies, enlever l'utérus et vous rentrez l'après-midi chez vous. C'est quand même une gestion purement économique, je crois. Ah, j'ai oublié de présenter l'IA, donc qui assure la technique du magazine, la parole est à vous. Ça te suggère quelque chose? Moi, je trouve ça désastreux parce que déjà, bah, comme tu le rappelles, Michel, bah, ça va saturer complètement les autres hôpitaux qui vont devoir gérer tous les patients qui vont arriver d'autres sites, alors qu'il y a déjà beaucoup d'attentes et beaucoup de choses à faire pour le personnel soignant et beaucoup de patience pour les patients et pas la prise en charge immédiate. Et pourtant, parfois, c'est un petit peu délicat. Moi, je suis passée en ambulatoire il y a pas longtemps, donc du coup, je peux un petit peu en parler de mon côté. C'est vrai que c'est un côté pratique parce qu'on rentre le matin et on ressort le soir, mais après, c'est un côté inquiétude parce qu'il y a pas spécialement de suivi qui est fait. Comme vous le disiez, on est confié à la famille, mais on peut très bien dire que la famille est avec nous, et en fait, c'est pas vraiment le cas. Donc, le suivi du patient, c'est un peu léger à ce moment-là, et j'avoue qu'en tant que particulière et individu qui un jour aura sûrement besoin... Tu as une expérience hospitalière ? Oui, je suis passée au bloc opératoire début février, là, en ambulatoire justement, et donc du coup, c'était un petit peu délicat. J'étais contente de rentrer chez moi le soir, mais un peu dans l'inquiétude quand même. Alors heureusement, ils nous laissent un numéro d'urgence pour les rappeler en cas de besoin, mais est-ce que toutes les personnes ont le courage de rappeler sans avoir peur de déranger? On est un petit peu quand même laissé pour compte. Quand on a besoin de soins, on est déjà un petit peu dans un état de vulnérabilité. On a besoin que le corps médical soit avec nous, soit rassurant. Et malheureusement, avec ce qui se passe, je sais pas s'ils auront encore vraiment le temps d'être rassurant avec les patients, ou est-ce que vraiment ils vont devoir être vraiment à cheval sur leur exercice, et est-ce que, comment ils vont être encore traités, parce qu'on parle aussi parfois de violence à l'hôpital concernant les praticiens et tout le personnel, parce que les gens s'impatientent, ne comprennent pas pourquoi ils doivent attendre aussi longtemps, ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas accès aux soins aussi vite, ou ils ont rendez-vous 1 mois, 2 mois plus tard, alors que voilà, ça va devenir très compliqué, et surtout pour la future génération. Plus en plus compliqué. Oui. Voilà. Oui. Et on assiste à une déshumanisation des soins hospitalier. Tu l'as constaté clairement. Oui, clairement. Tu faisais aussi de la chirurgie ambulatoire? J'en ai fait. Oui. Mais je le réservais qu'à des petites interventions. En gynéco, oui. Mais l'objectif national est de faire 70% de chirurgie ambulatoire en 2022, justement. C'est 70% des actes. Et je pense que c'est un petit peu excessif parce que on va déborder sur des actes lourds. Qui n'ont pas leur place à domicile 6 heures après l'intervention, quoi. En gros, c'est pas bien. Hein. Et c'est une déshumanisation. Je pense que le patient est rassuré, et le rassurer, c'est aussi le soigner. C'est pas uniquement les soins médicaux, c'est le fait qu'il soit dans une ambiance où il est bien surveillé, bien pris en charge, où il y a des gens qui lui expliquent. C'est terminé. Le temps qu'on a pour expliquer, parler, dire ce qui s'est fait, quelles seront les suites, etc. C'est du travail à la chaîne, quoi. Du travail à la chaîne, c'est-à-dire que l'hôpital devient véritablement technique. Technique, un plateau technique. Point. Terminé. On va peut-être se faire une pause. À tout à l'heure. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy. All you need is love. There's nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. No way you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. All you need is love. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Et bien voilà, nous reprenons l'antenne de ce magazine Santé. De la parole est à vous, avec le docteur Tisserand. Et puis, on a, au bout du fil, donc Jean Pierrel, le président de l'association ADEMAT-H, donc qui défend la maternité et l'hôpital de Remiremont, cette association. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et bonjour aux auditeurs. Voilà. Tu veux nous parler des tu veux nous donner des informations récentes, immédiates par rapport à ce qui se passe en ce moment, un peu en coulisses, par rapport à l'hôpital d'Ormiremont. Oui. Enfin, bon, c'est à des maths depuis 4 mois, tente de constituer un front commun. Contre un front commun plutôt pour une alternative au contrat de performance. Alors je sais pas, il faudra peut-être revenir sur le contrat de performance en lui-même, je vous en avais peut-être parlé ou pas. On a déjà parlé un petit peu. Un petit peu donc je vais pas redévelopper le contenu de ce plan, à moins que vous ayez des questions. Et on a résumé ça dans une lettre qu'on diffuse actuellement à nos adhérents. Parce qu'il nous semble que il est important de rassembler toutes les parties autour d'une table, et le PETR, le pôle d'équilibre territorial rural, ou autrement dit le pays de Remiremont, nous semblait le bon endroit pour le pivot de ce rassemblement. Malheureusement, il y a des freins, et certains partenaires ne veulent pas s'asseoir autour de la table. Donc, on a relancé l'idée de constituer ce front commun, et à partir des questions qu'il faut vraiment traiter, quoi, parce que le contrat de performance n'est que comptable, et c'est une réduction de moyens alloués à l'hôpital public de Remiremont et d'Épinal. Il ne faut pas l'oublier non plus, hein, parce que la population d'Épinal va souffrir autant que celle de Remiremont. Et puis c'est une réduction de l'accès aux soins. Tout à fait. Et il n'y a eu aucune étude d'impact de menée. Donc, il y aura des coûts qui seront transférés. Par exemple, pour les sapeurs-pompiers, si au niveau des urgences, il faut aller à Épinal plutôt qu'à Remiremont, ça va doubler les temps d'absence des sapeurs-pompiers volontaires dans les entreprises. Ça va doubler l'usure du matériel. Ça va doubler le temps de fonctionnement. Tous ces coûts-là, par exemple, vont être transférés à charge sur les collectivités locales, le bloc communal. Donc ça, c'est pas pris en compte. Alors, d'accord, ça coûtera peut-être un peu moins cher sur le budget de la santé, et encore, comptablement, le coût financier, coût financier pour les familles, puis le coût écologique. Ouais, alors ça, c'est d'autres coûts. Après, il y a le problème de ce que les médecins appellent la perte de chance pour les patients, qui va être réel, ça veut dire séquelles et décès, parce que s'il faut aller plus loin, s'il y a des temps, s'il y a une difficulté d'accès, s'il y a des gens, et on le sait, il y a des gens qui renoncent aux soins, parce qu'ils n'ont pas la possibilité, à la fois financière, mais aussi en termes de mobilité, d'y recourir, il est certain que on tombe dans ce qu'on appelle la perte de chance. Et donc il y aura aussi des risques accrus pour la population et l'environnement, il y a tout simplement le risque routier. Et puis, à l'heure où il faut se battre contre le réchauffement climatique, il est quand même paradoxal que l'Agence régionale de santé, qui a une responsabilité de la qualité de l'air, il faut pas l'oublier, s'ingénie à mettre tout le monde sur la route. Et puis, il y a le problème de l'attractivité du territoire. Si on a écrit sur nos banderoles « pour la survie du territoire, de nos territoires de montagne tous unis », c'est pas pour rien, c'est parce que l'hôpital est bien le poumon du territoire. Voilà, c'est l'ensemble de raisons qui fait que on peut pas accepter qu'on reste simplement dans une logique comptable comme ça en appliquant un plan soi-disant de performance et qui n'a rien de performance, de performant, pardon. Donc la contrepartie que nous proposons, c'est l'alternative que nous proposons, c'est de faire une analyse des besoins de la population et de l'existant, de regarder, on sait qu'on a des mauvais indicateurs de santé, on l'a déjà dit, je le rappelle, le plus emblématique, c'est le taux de mortalité prématurée avant 65 ans non lié à l'âge, qui est quand même de 20% supérieur à la moyenne nationale. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un certain nombre de choses qui ne font pas, qui ne vont pas, et qu'il faut réduire. L'objectif, ça devrait être de réduire la mortalité et la morbidité. La morbidité, c'est l'ensemble des maladies et des phénomènes qui pèsent sur la bonne santé des gens. Et puis, à partir de là, définir les moyens à exiger ou à mettre en œuvre. pour mettre fin à, au déclin qui menace. Mais au lieu de ça, on a un contrat de performance et on a, pire que ça, je pense que vous l'avez évoqué, une décision de l'ARS qui est de déménager la chirurgie viscérale sur Épinal, ce qui fait que, premièrement, il ne resterait plus que la chirurgie traumatologique. On comprend pas très bien comment ça peut fonctionner, parce que si arrive un malade polytraumatisé, une jambe cassée et une rate éclatée, pour prendre cet exemple, eh bien, comment on fait, quoi? On va retirer la rate à Épinal, on le ramène à Remiremont pour refaire la jambe cassée, etc. Enfin, c'est incompréhensible. Enfin, je suis pas médecin, mais je pense que tout un chacun peut bien comprendre l'incohérence d'une telle mesure. Totalement incohérent, c'est n'importe quoi. Et puis, chirurgie viscérale, ça veut dire un ensemble de fonctions du corps humain. Enfin, tout ce qui n'est pas, le docteur Tisserand pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais tout ce qui n'est pas le squelette, quoi. Donc c'est le tube digestif, c'est l'appareil génital, l'urologie, la gynécologie, le sein, et on sait que en matière de cancer mammaire, Remiremont excelle toujours, et en chirurgie gynécologique pareil, c'est le plus gros plateau technique du service public vosgien. Et tout ça va disparaître si on en croit l'ARS, ce qui est complètement inacceptable. Et c'est le seul hôpital public. Et derrière, c'est l'hôpital public qui dégringole. Et on voit bien que c'est, comment dirais-je, ils anticipent déjà les ordonnances de Madame Buzyn sur les fameux labels hôpitaux de proximité qui seront des centres gériatriques. On ne fera plus, on ne pourra plus faire ni maternité, ni chirurgie. Alors, quand on nous dit que la maternité est sanctuarisée, c'est archi faux, puisque y compris dans ce plan de performance, la néonatologie et la pédiatrie voient leurs effectifs réduits de moitié. Et en plus, on va les mettre dans le même service, on va les rapprocher. Ce qui fait que, sur le plan infectieux, nosocomial, comme on dit en termes savants, c'est une aberration. Quoi. Voilà où nous en sommes. Et les conseils de surveillance, le comité technique d'établissement, le CHCT de l'hôpital de Remiremont, la commission de soins infirmiers de rééducation et médico-social, plus le conseil de surveillance, je ne sais plus si je l'ai dit, la CME, pardon, il me semble bien que j'en oublie un, la commission médicale d'établissement, sont réunis demain avec la direction pour donner leur avis officiel, dans le cadre d'une grande consultation, sur ces éléments-là. On ne peut que souhaiter qu'ils s'insurgent contre à ce plan. Oui, oui. Et qu'ils votent contre, quoi. Oui, alors moi, voilà. Je voudrais quand même te poser une question par rapport aux élus, parce que c'est peut-être inopportun d'insister là-dessus, mais quand on voit le plan de santé 2022, donc si j'ai bien compris dans les informations qu'on peut avoir, les députés LR des Vosges ont voté contre, alors que le maire d'Épinal aujourd'hui, enfin du côté d'Épinal, on ne demande pas mieux que de récupérer un peu certains praticiens, certaines spécialités, et puis par contre notre député s'est abstenu. On peut quand même se poser des questions. Bon, et puis par rapport à ça, on a l'impression que le président du conseil général joue j'allais dire double jeu, et puis approuve au moins partiellement ce plan. Est-ce que c'est qu'une impression ou qu'en penses-tu? Je crois qu'à un moment donné, il faut quand même... Il y a plusieurs choses à serrer, à mon sens. D'une part, il y a les députés qui ont appliqué les consignes de leur groupe. Le groupe LR, effectivement, les Républicains, s'est prononcé contre le projet de loi santé 2022 en première lecture à l'Assemblée nationale le 26 mars. Le groupe Agir UDI avis constructif non inscrit dans lequel est Monsieur Naegelen s'est prononcé pour ou abstention bienveillante, disait le rapporteur dans son explication de vote. Et puis le groupe Modem et REM, République en Marche, ont approuvé tous ensemble ce texte, qui fait que Christophe Lejeune, député, qu'il faut pas oublier, député REM de la Haute-Saône, a approuvé les orientations d'hôpital de proximité. Alors après, il va y avoir les ordonnances. Avec les conséquences qu'il va y avoir sur l'hôpital de Remiremont. Pardon ? Avec les conséquences potentielles qu'il pourra y avoir sur l'hôpital de Remiremont. Bon, on n'est pas au bout du processus législatif, il doit passer au Sénat, je pense qu'il y aura une deuxième lecture. J'ai cru comprendre, à travers ce que j'ai vu, à travers les débats au Parlement, qu'il reviendrait devant le Parlement pour discuter du contenu des ordonnances, enfin qu'il y aura au moins une séance de débat sur ces questions-là, mais bon, nous en sommes là. Alors ça, c'est le premier volet sur les députés. Par rapport au conseil départemental et à son président François Vanson, nous avons dit très clairement dans la lettre que nous souhaitions, dans la lettre qu'on diffuse actuellement auprès de nos adhérents, une lettre du 7 avril. Pardon ? La lettre du 7 avril. Du 7 avril. Qu'on lui demandait un rendez-vous rapide pour lever les incompréhensions, parce qu'il semble quand même qu'il y ait quelques incompréhensions, et prendre connaissance des conclusions de sa mission de médiation, et puis voir la complémentarité qu'il y a entre nos propositions et le schéma départemental, pas le schéma départemental, le plan santé qu'il a élaboré, plus sa médiation bien entendu. Il semblait acquis qu'on ait un rendez-vous cet après-midi, et puis hier après-midi, nous avons reçu un mail qui répond pas à nos préoccupations, donc je pense réinterroger le président Vanson là-dessus, parce que je comprends pas, et qui diffère en quelque sorte le rendez-vous, mais ça ne me semble pas souhaitable de notre point de vue. Donc nous en sommes là avec lui, mais ce que nous disons aux conseillers départementaux, c'est que... au moins à ceux qui siègent dans enfin les conseillers départementaux des cantons concernés par l'hôpital de Remiremont, c'est que nous avons tous intérêt à faire front commun, quoi. D'ailleurs, il y en a quand même quelques-uns qui ont participé avec nous au déploiement de la banderole devant l'hôpital de Remiremont. Donc je trouve plutôt ça de bon augure. Mais voilà, nous en sommes là. Oui, mais plus précisément, on a quand même. Vous avez quand même l'impression, enfin, c'est ce qui ressort de pas mal de discussions que j'ai pu avoir, que François Vanson vous lâche, quoi, en quelque sorte, le président. Bah, pour l'instant, on ne le sent pas clairement à nos côtés, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On en restera là, puisque je souhaiterais quand même qu'on puisse le rencontrer rapidement. Mais ce que je voudrais mettre en exergue quand même, c'est la réaction de la coordination nationale à travers son manifeste qu'elle a élaboré là. Je l'ai devant les yeux. Pardon ? Je l'ai devant les yeux. À la suite des états généraux sur les fermetures de maternité qui ont eu lieu au Blanc lors de courant mars. Moi, il y a deux points qui me semblent très intéressants là-dedans. C'est parce que Madame Buzyn a parlé de labelliser 500 à 600 hôpitaux, donc des hôpitaux comme les nôtres, hôpital de proximité, ce qui veut dire qu'on va leur interdire de faire de la maternité et de la chirurgie, ce qui est dramatique pour le secteur rural. Et là, un déclassement. C'est complètement incompréhensible. Et deuxièmement, alors, face à ça, la coordination, enfin au niveau des états généraux, on s'est mis d'accord pour dire qu'il fallait justement créer un nouveau label, mais hôpital de territoire de plein exercice, avec médecine, chirurgie et obstétrique. Ça nous semble être la bonne réponse, et c'est sur quoi, y compris, nous ne désespérons pas de convaincre le Conseil Général et son président. Et puis ça apparaît dans le grand débat national aussi. Ouais, alors, ouais, je ferai une remarque, c'est que on conclut le grand débat national et M. Lannelongue, directeur de l'ARS, nous annonce qu'il transfère la chirurgie viscérale à Épinal, quoi. C'est ça la réponse au grand débat, quoi. C'est la réponse à toutes les lettres qu'on a envoyées d'ouverture de débat que les élus ont envoyées. Il y a eu des motions, il y a eu des organisations syndicales qui ont écrit, enfin, il y a eu plein de gens qui ont interpellé l'ARS sur la situation des hôpitaux. Et il n'y a pas que notre hôpital à nous à Remiremont, hein. Il y a aussi des batailles qui se mènent du côté de Neuchâtel. Il y a aussi Saint-Dié, ça c'est pour le secteur vosgien. Mais on a aussi tout le problème de Tann, de ce qui se passe en Alsace. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur la page Facebook d'ADEMAT officiel ce qu'il en est de cette pseudo-concertation. Mais je voudrais revenir au manifeste, parce qu'il y a un deuxième point qui me semble extrêmement important qui a été proposé, c'est le délai d'accès aux services publics de santé comme premier critère de sécurité. Et on demande que ça se soit inscrit dans le code de santé publique, que ça fasse partie des droits des citoyens. Voilà, et ça nous semble un point crucial aussi à obtenir. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire par rapport au manifeste. On diffusera aussi la publication. Et puis, il est soumis à signature sur change.org, manifeste national renaissance des maternités condamnées. Donc, vous pouvez aller sur change.org et apporter votre pierre à l'édifice pour soutenir ces orientations-là. Je voudrais revenir sur le contexte politique local, quand même. Tu peux encore rester quelques instants avec nous au téléphone? Oui, pas de problème, oui, vas-y. Je crois que le président du conseil départemental a été investi d'une mission par le directeur de l'ARS pour une mission de coordination, de médiation entre les deux. Les deux médecins chefs des deux hôpitaux de Remiremont et d'Épinal, le docteur Chamas à Remiremont, le docteur Lalo. Et je ne veux pas croire que ce président de conseil départemental, qui est à la fois l'élu, je crois, du canton de Remiremont, et finalement ses conclusions étaient reprises par le directeur de l'hôpital et par le directeur de l'ARS, que ses conclusions auraient été de supprimer toute la chirurgie viscérale à Remiremont. Je ne veux pas le croire, c'est pas possible qu'on ait pu donner si peu d'intérêt finalement à son propre canton qui vous a élu. Je trouve que c'est pas possible. Je demande que... Enfin, je suis vraiment surpris et je serais extrêmement déçu si c'était le cas. Mais je pense pas que ce soit le cas. Enfin, ce sera peut-être l'avenir nous le dira. Et je crois que parce que le docteur Chamas a été clair, je l'ai eu au téléphone hier. Il a toujours défendu une chirurgie complète à Remiremont. Ça n'a aucun sens de laisser qu'une chirurgie orthopédique et traumatologique à Remiremont et d'évacuer tout autre type de chirurgie d'autant plus qu'il y a viscérale. Plateau technique particulièrement performant. Qui a sept salles, dont six effectivement en ordre total de marche à l'hôpital de Remiremont. C'est tout neuf. Ce serait quand même un gâchis total. Alors, je ne sais pas si cette médiation a abouti à cette conclusion-là, ce serait fortement surprenant pour un élu local de sacrifier son hôpital général médecine chirurgie obstétrique tel que nous l'avons à Remiremont. Ça me paraît un petit peu incompréhensible. Enfin, je pense qu'il faudrait qu'il s'explique sur le sujet. Je pense que ce serait bien de lui demander publiquement de sortir un petit peu du silence. Je crois que ce serait bien qu'il s'explique. Je crois que parce que oui. ces conclusions-là, tout de suite brandies par le directeur de l'hôpital, vont même quasiment au-delà des espérances que le centre hospitalier d'Épinal aurait pu espérer, quoi. Monsieur Henrich n'aurait pas demandé moins, je pense, n'aurait pas demandé plus. Enfin, je veux dire, c'est assez surprenant. Alors, oui, il y a un autre élément, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais qui nous revient comme ça, c'est que M. Lannelongue, le directeur de l'ARS, menacerait de l'IGAS si jamais... alors l'IGAS, c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales et Sanitaires, si jamais il n'y avait pas d'accord local. Mais bon, l'IGAS, c'est pas le plus grand méchant loup que le directeur de l'ARS, donc bon, si d'abord on comprend que M. Lannelong n'ait pas envie que l'IGAS intervienne, parce que c'est un constat d'échec de son action, ça c'est le premier point. Oui. Et deuxièmement, si l'IGAS intervient, mais qu'elle intervienne. De toute façon, on voit pas trop ce que. On pense qu'on n'a rien à craindre de ce côté-là, quoi, parce que c'est ou bien il y a l'union de toutes les forces des vallées et tout ça, tout le monde s'unit et dit c'est pas possible de faire ce que vous prévoyez, et on agit en conséquence, et on pèse là-dessus, ou bien effectivement on n'y arrivera pas, et le déclin est annoncé, et voilà, c'est quand même ça qui est en jeu. L'absence d'union sur le plan politique est extrêmement grave. Je pense qu'on ne gagne ce type de combat que si tout le monde est uni et si les maires, les conseillers départementaux, les députés, sénateurs, que tout le monde défend la même cause. Ne serait-ce pas judicieux que justement les citoyens interviennent davantage et puis posent la question à leurs élus, parce que je crois quand même que là, il y a ambiguïté, quoi. Certainement, mais ça peut être bien que les citoyens interrogent leurs conseillers départementaux pour savoir quel est le positionnement qu'ils ont effectivement. Demain, va le faire, je suppose. Oui, c'est ce que je disais. Je pense qu'on va relancer pour obtenir un rendez-vous rapidement, quand même, parce qu'on peut pas se satisfaire de la réponse qui nous a été donnée par mail hier après-midi. Et je ne comprends pas les motivations. Divergente de ces élus politiques concernant la santé hospitalière du secteur. Je ne sais pas si c'est des positions idéologiques, je dirais, ou politiques, mais j'estime trop la politique pour y mettre ce mot-là, je dirais politicienne. Voilà. C'est des raisons qui m'échappent. Mais je pense qu'il faudrait poser clairement et que les gens, ces élus s'expriment clairement. On croirait des transactions souterraines entre Remiremont et Pinal, on ne sait pas trop. Ah ça je ne suis pas. Je pense qu'il faut aussi attendre demain et jeudi, puisqu'il y a la consultation des instances hospitalières. J'espère que l'intersyndicale tiendra bon, que les organisations syndicales hospitalières, tant Remiremont qu'à Épinal, resteront sur le positionnement du mois de janvier. Il y a toutes ces choses-là, quoi, que va faire il y avait quand même 9 instances qui avaient dit non, quoi. Il faudrait au moins qu'on retrouve ça, sinon qu'il y ait des 10, quoi. Et que va faire ADEMAT par rapport à ça? On va attendre les résultats et puis on va réfléchir ensemble, hein, on va continuer, quoi. Là, pour l'instant, on a informé nos adhérents au travers d'un courrier. On va en envoyer un autre avec le manifeste et l'appel à signer la pétition, parce que c'est un problème national. Et puis, il y a aussi, on se réunit avec la coordination nationale sur la problématique des hôpitaux de proximité, tout le week-end du 26, 27, 28 avril, à Saint-Vallier, près de Monceau-les-Mines, petit Chalon-sur-Saône, pour réfléchir nationalement à cette question très importante et très préoccupante du devenir des hôpitaux de proximité, mais le terme est mal choisi puisque maintenant il est galvaudé par le ministère. Voilà. Voilà, ben merci Jean. Tu peux toujours. Merci à vous, merci à Gemozo. À bientôt. À bientôt. Bon, on va peut-être t'accorder une nouvelle pause musicale si tu veux bien. Je demande beaucoup à l'IA, hein, parce que en même temps, il faut qu'elle raccroche le téléphone, il faut qu'elle fasse toutes les manipulations et puis nous offrir une pause musicale au choix du docteur Tisserand, notre invité, enfin notre partenaire plutôt. Thank you. voilà, nous reprenons l'antenne après cette intervention, donc, au téléphone de monsieur Jean Pierrel, donc, qui est le président de l'association ADEMAT H, c'est-à-dire la défense de l'hôpital, de la maternité, de l'hôpital de Remiremont, avec, bon, ces nouveautés, cette évolution dans le dossier. Alors, quelques commentaires, Jean, par rapport, Oui, on a un petit peu abordé le contexte politique local, et je pense que le manque d'union, le manque de volonté de s'asseoir à la même table pour discuter sérieusement de ce problème tous ensemble risque de nous amener à une défaite, quoi. En fait, c'est un petit peu triste, puisque finalement on devrait être pris en compte. Surtout, ça passe par-dessus la tête des citoyens. Devrait être pris en compte. Qui ont totalement manifesté, qui ont vraiment voulu. La vie de la population. Ah, et, on se fout vraiment de la vie de la population. Oui. Et ça, les référendums d'initiative populaire ou etc. Ne seraient pas forcément une mauvaise chose que de demander clairement à la population ce qu'elle voudrait, quoi. Si elle veut faire 30 kilomètres de plus, au bout des 70, des habitants du sang, par exemple, ont l'intention de faire 70 kilomètres de plus. C'est le mode de fonctionnement de notre démocratie, hein, qui est ainsi. Ah oui, on prend des décisions. On élit des gens qui décident après pour nous sans rétro-contrôle, quoi. C'est un petit peu, C'est dommage, hein. Et pas toujours dans la C'est même assez catastrophique pour l'accès aux soins futurs des populations de nos vallées, parce que on est déjà défavorisé aujourd'hui, hein, puisque là tu le soulignais, il y a quand même 20% de mortalité supplémentaire par rapport à la moyenne nationale. Et c'est pas lié à l'âge, hein, c'est une mortalité avant 65 ans. On meurt pas dans Donc l'état sanitaire de cette population de nos vallées n'est pas bon. Est assez catastrophique. Assez catastrophique. Et aujourd'hui, on va encore l'obérer un peu plus. On va en enlever encore un petit peu plus. Je crois qu'il va. On nous dit qu'on a une population vieillissante, comme la population française en général. La natalité baisse un petit peu, c'est vrai, mais. Encore davantage ici. Oui, bien sûr. Oui, il y a un sinistre un petit peu économique. Les jeunes quittent la région. Dès qu'ils ont en âge de trouver un job, ils quittent souvent la région, quoi. Qui voudra s'installer, je sais pas moi, dans les Hauts-de-Vosges, demain, il n'y a plus de services publics, parce que bien sûr on parle du monde hospitalier, mais il faut parler aussi de tous les services publics qui ferment, la poste de Cornimont, je sais pas, les collèges, lycées, etc. Qui voudra s'installer dans une région en voie de désertification comme ça, où véritablement les politiques ne font plus rien pour attirer des jeunes, hein, puisque là quand même le tissu social, le tissu associatif va dépendre justement des services publics et en particulier encore plus du service public hospitalier, parce que je pense quand même que les gens qui s'installent dans nos vallées ont envie de trouver près de chez eux un établissement hospitalier qui soit susceptible de les accueillir. Oui. Puis même pour les médecins, je crois. Parlé. Oui, les médecins généralistes sont demandeurs de plateaux techniques, justement, d'hôpitaux pour la prise en charge de leurs patients. Être médecin à Gérardmer ou à la Bresse ou au Tillau et de ne pas avoir de correspondant hospitalier à moins de 60 km, c'est quand même... C'est un problème, quoi. Je pense que c'est un frein même à l'installation de généralistes en ville, dans les villes et dans les villages de la montagne vosgienne. Hein. C'est s'enfiler, c'est travailler seul. Hein. C'est, même s'ils sont en groupe, s'ils sont plusieurs, ils peuvent pas remplacer un système hospitalier, quoi, hein, qui serait défaillant. Quoi. Et c'est, avant de s'installer, c'est une des choses que un jeune médecin regarde. Oui, c'est vrai. Qu'il y ait de bonne coordination entre le médecin généraliste ou les fameux PE. PETR, hein, c'est-à-dire ces structures CPTS. là, communauté pluriprofessionnelle de sanitaire de territoire. Voilà. Ou territoriale de santé. Parce que là, ils ont besoin de références aussi, donc on peut avoir un référent hospitalier souvent pour pouvoir établir un diagnostic, que sais-je, soigner. Avoir un avis, savoir ce qu'il faut faire quelquefois, est-ce qu'il faut hospitaliser, est-ce qu'on peut surveiller à domicile ou pas. Oui, je voudrais t'interroger là-dessus. Est-ce que, par exemple, sur certains sujets Est-ce qu'il y avait vraiment des médecins généralistes qui t'interrogeaient, par exemple, directement? Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Régulièrement, on avait des coups de fil. C'est d'ailleurs pour ça que l'accès aux soins était relativement bien conservé, c'est-à-dire que un médecin généraliste qui prenait son téléphone, sauf si j'étais au bloc opératoire par exemple, mais je le prenais toujours au téléphone. Je répondais à sa demande, déjà oralement, quand il me présentait le cas, je lui donnais des conseils, ce qu'il fallait faire, et puis au besoin, je lui disais, envoie ton patient ou ta patiente ce soir ou demain matin, je les verrai en plus de mes consultations, quoi. Donc c'est pour ce genre de cas un petit peu grave, un petit peu urgent, on était toujours et c'est des relations humaines de proximité, quoi, parce qu'on est bien implanté localement, on connaît les généralistes et on répondait à leurs demandes, hein. C'est comme ça que fonctionne bien un service de santé local, quoi, hein. Le lien direct. Le téléphone, le lien direct. Le lien direct, hein. Conseil oral, voire, ces généralistes, c'était des copains, c'était des amis, s'il a des besoins, il fallait les aider. Et je me voyais mal dire, non, j'ai pas de place avant un mois, quoi. On les prenait, en plus, encore. S'il y avait une nécessité médicale, quoi, si c'était quelque chose qu'il fallait surveiller ou diagnostiquer de manière urgente et rapide. Hein. Je pense que c'est sécurisant pour les patients. Voilà. Eh bien, Jean, je te remercie, bien sûr. Michel. Je ne veux pas dire d'avoir service. Participé, parce que on fait équipe. Tu es quand même mon référent on fait aussi équipe, en on fait, matière de fait, magazine santé. On fait équipe tous les deux, Michel, et c'est avec plaisir. Puis on se retrouvera. Et puis en attendant, tout ce qu'on peut, le message qu'on peut faire passer à nos auditeurs, c'est pour Ademat, pour les citoyens de nos vallées, la lutte continue plus que jamais. Plus que jamais, c'est. Il peut s'apprêter à se mobiliser par rapport à l'hôpital d'Ormiens. On est un petit peu à la croisée des chemins et soutenez-nous, adhérez, éventuellement participez à nos manifestations si on doit encore en faire. Voilà. Merci Jean. Merci à tous nos auditeurs. Puis merci à Lia d'avoir assuré la technique. Avec plaisir. D'être intervenu, donner un peu son point de vue. Voilà. Avec plaisir. Eh bien, on se donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.